La calèche par Nicolas Gogol. La ville de B devint d'une gaieté folle quand le régiment de cavalerie arriva pour y tenir garnison. Jusque-là, c'était le séjour du plus mortel ennui. S'il vous arrive jamais de la traverser en voyage et de passer devant ces petites maisons basses peintes à la détrempe qui ouvrent sur la rue des yeux pleins de fiel et d'aigreur, vous éprouvez au cœur une sensation inexplicable, une sorte d'écœurement, comme quand on a perdu au jeu, ou bien qu'on a lâché quelques bonnes sottises en société, un vrai malaise, enfin. Le plâtre qui revêt les maisons s'est écaillé sous l'action de la pluie. Les murs de blanc qu'ils étaient ont pris la teinte des chevaux pis. Les toitures, pour la plupart, sont faites de joncs tressés, comme on les voit partout dans nos villes du midi, et les jardins, pour ne pas gêner la perspective, ont été rasés depuis longtemps par l'ordre du bailli. Dans les rues, on ne rencontre âme qui vive, un coq, tout au plus, qui traverse la chaussée où l'on enfonce comme dans un coussin, car la poussière qui la recouvre à demi se transforme en boue à la plus petite averse. C'est le moment propice qu'attend pour envahir la ville cette variété d'animaux gras que le bailli de l'endroit appelle les Allemands. Vous les voyez alors sortir des auges leurs groins sérieux avec des grognements si épouvantables qu'il ne reste aux voyageurs qu'à apprécier au plus vite l'allure de ces chevaux. De voyageurs du reste, il s'en montre bien peu dans la ville de B. C'est un événement de voir passer sur la route, en son piteux équipage, quelques hobereaux de la campagne, seigneur et maître d'une douzaine d'âmes, roulé dans son surtout de Nankin, perdu derrière des sacs de farine, il est là, qui promet des regards effarés de sa britchka, ou plutôt de sa charrette, attelée à la diable d'une jument rougeâtre que suit en trottinant le poulain. La place même du marché est d'un aspect lugubre. La maison du tailleur avance bêtement de coin sa façade tronquée. Vis-à-vis, il y a 15 ans bientôt qu'on s'obstine à bâtir une construction baroque en pierre et à 2 fenêtres. Plus loin, dans sa majesté, se dresse le bazar des modes, palais formé de planches peintes d'un gris sale et couleur de la boue. Destiné dans le principe à servir de modèle à d'autres édifices, il fut construit sur les plans du bailli lui-même. Mais c'était au beau temps de sa jeunesse, et avant qu'il eût pris la funeste habitude de se coucher aussitôt son dîner fini et de prendre pour la nuit sa fameuse décoction faite de groseilles sèches. À part ces monuments, presque rien dans les rues que des clôtures, des haies entrelacées de branchages. Au centre de la place, une rangée de petites échoppes, où à toute heure du jour, vous êtes certain de trouver un chapelet de craquelin, une vieille femme en fichu rouge, un gros morceau de savon, quelques livres d'amandes amères, du plomb de chasse, du calicot, et 2 garçons de boutique devant la porte qui jouent à la svaïka tout le jour. Mais à peine le régiment de cavalerie vint-il s'installer à B, chef-lieu du district, que tout changea comme par enchantement. Les rues s'animèrent, bigarrées d'un monde nouveau, avec une physionomie nouvelle. Les petites maisons basses virent alors défiler devant leurs portes maint officier alerte, bien pris dans sa taille, avec son plumet sur la tête. Il s'en allait causer d'avancement chez les camarades, discuter de la qualité du tabac, quelquefois même perdre au jeu son drojki, on pouvait dire le drojki du régiment, car il en avait fait tout le tour sans en sortir jamais. Un jour, c'était le major qui se pavanait dessus par la ville. Le lendemain, on le voyait figurer dans l'écurie du lieutenant. 8 jours après, regardez bien, c'est encore le brosseur du major qui est en train d'engraisser les roues. Les palissades, les entre les maisons s'étaient constellées de casquettes d'uniformes qui séchaient au soleil. On était sûr de voir quelque part un manteau gris pendu à une porte cochère. Dans les ruelles, on ne croisait que soldats hérissés de moustaches en brosse, de vraies brosses à cirage, par exemple. Ces coquines de moustaches apparaissaient sur tous les points. Les petites bourgeoises venaient-elles sur la place puiser de l'eau dans leurs cruches, on leur voyait tout de suite des moustaches dans le dos. Les officiers, à leur tour, vinrent animer la société qui ne s'était jusqu'alors composée que du juge, lequel faisait maison commune avec une certaine diaconesse, et du bailli, homme de sens, mais qui passait décidément sa journée à dormir, de l'après-dîner jusqu'au soir et du soir jusqu'à son dîner. Cette société se fit plus nombreuse et plus intéressante encore quand le général de brigade vint fixer sa résidence en ville. Des propriétés du voisinage dont personne jusque-là n'avait soupçonné l'existence commencèrent à se montrer fréquemment au chef-lieu du district. Ils venaient fraterniser avec messieurs les officiers et peut-être bien aussi tailler une petite banque, rêve longtemps caressée au fond de leur cervelle, absorbée d'ordinaire par le soin des semailles, les commissions des femmes et la chasse aux lièvres. Je regrette de ne pas me rappeler par suite de quelles circonstances il arriva que le général de brigade donna un grand dîner. On fit des préparatifs monstres, des barrières même de la ville. On pouvait entendre le bruit de couperets que menaient dans leur cuisine les mitrons du général. Le marché avait été dévalisé pour la circonstance, au point que le juge et sa diaconesse avaient dû se contenter ce jour-là de méchantes galettes de blé noir avec une gelée qui rappelait l'amidon. La cour, trop étroite de la maison du général, était encombrée de drochkis et de calèches. C'était un dîner d'hommes, des officiers et quelques propriétaires des environs. Parmi ces derniers, on remarquait au premier rang Pythagore, Pythagorych, Berdovski, un des principaux membres de l'aristocratie dans le district de B, meneur bruyant aux élections de la noblesse, où il arrivait toujours en équipage à sensation. Il avait servi jadis dans un régiment de cavalerie dont il passait pour un des officiers les plus brillants et les plus en vue. Du moins, l'avait-on vu figurer avec avantage dans les bals et dans les réunions, partout où séjournait son régiment. Pour plus en plus d'informations d'ailleurs, s'adresser aux demoiselles des gouvernements de Simbirsk et de Tambov. Il est même probable que dans tous les autres, il aurait pu poursuivre avec succès le cours de ses glorieux exploits, s'il n'avait dû quitter le service à la suite d'un de ces incidents qu'on est convenu d'appeler une histoire désagréable. Avait-il donné un soufflet à un monsieur âgé? En avait-il reçu un lui-même? Je ne m'en souviens pas trop. Toujours est-il qu'on le prie poliment de donner sa démission. Il n'avait pour cela rien perdu de son aplomb. Il portait un habit à taille longue, de coupe militaire, des éperons à ses bottes et des moustaches sous le nez. Autrement, on aurait pu croire, chez ses amis les nobles, qu'il avait servi dans l'infanterie. Or, il l'avait en profond dédain et disait toujours la fantasserie ou la fantabarie. C'était un habitué de ces foires tapageuses où la Russie de province donne rendez-vous pour y faire la fête avec toutes ses mamans, tous ses enfants, toutes ses filles et ses propriétaires ventrus, dans des britchkas, des tarantas, des cabriolets et des modèles de carrosses comme on n'en a jamais vu, même en rêve. Il faisait preuve alors d'un flair particulier pour dépister le régiment de cavalerie en cantonnement, accourait aussitôt se mettre en relation avec messieurs les officiers, sautait lestement devant eux de son fringant drochki ou de sa calèche et n'était pas long à faire connaissance. Aux dernières élections, il avait offert un somptueux banquet à l'aristocratie du district et s'était engagé publiquement, s'il était élu maréchal de la noblesse, à la mettre sur un bon pied, je vous en réponds. Pour le reste, il savait se conduire en grand seigneur, du moins comme on l'entend dans les districts et les provinces. Il avait épousé une femme assez jolie qui lui avait apporté en dot 200 âmes et quelques milliers de roubles. L'argent fut employé incontinent à l'achat de 6 chevaux réellement magnifiques, de serrures dorées pour les portes, d'un singe apprivoisé pour la maison et en partie au gage d'un maître d'hôtel français. Quant aux 200 âmes, jointes aux 200 autres qu'il avait en propre, elles furent engagées au Lombard et le produit affecté à des opérations commerciales restait vague. Bref, c'était un seigneur dans toute l'acception du terme et un seigneur fort passable, ma foi. À part Berdovski, il y avait encore au dîner du général quelques propriétaires voisins, mais dont il n'y a pas lieu de parler. Tout le reste des invités étaient des militaires du régiment, dont 2 officiers supérieurs, le colonel et un major d'une remarquable corpulence. Le général lui-même était gros et gras, d'ailleurs un chef irréprochable de l'aveu de tous ses officiers, parlant gras et d'une forte voix de basse-taille. Le dîner fut exquis. Les sturgeons, le saumon, les sterlets et les asperges, les outardes, les cailles, les perdreaux et les champignons, tout était à point. On sentait que depuis la veille, le chef s'était refusé les spiritueux et que 4 soldats pour le moins, leurs couteaux à la main, avaient dû toute la nuit travailler sous ses ordres à l'élaboration des gelées et des fricassés. Un bataillon de fioles au long cou pleine de laffites, de flacons goitreux avec du madère, une journée d'été splendide, les fenêtres toutes grandes ouvertes, les assiettes pleines de glace sur la table, quelques habits librement déboutonnés et des chemises un peu chiffonnées, les propos qui se croisaient, dominés par la grosse voix du général et toujours arrosés de champagne, tout servait à former un harmonieux ensemble. Le repas terminé, tout le monde quitta la table dans cette douce langueur qui suit la digestion, On alluma des pipes de toutes les longueurs, et chacun portant son café à la main, on se rendit au perron pour y respirer l'air. « Ah ah, voilà le moment de vous la montrer, » dit le général, et s'adressant à son aide de camp, jeune et aimable garçon de tournure distinguée. « Cher ami, dis-je, te prie, qu'on sorte la jument baie. Vous allez voir, messieurs. » Et le général, tirant une énorme bouffée de sa pipe, lança sa fumée dans les airs. « Elle n'est pas encore dans son bout. Quel sacré trou que ce pays. Pas moyen d'avoir une écurie propre. Pff, pff. Mais vous verrez, la bête n'est pas mal. Y a-t-il longtemps que vous l'avez, votre excellence ?»« demanda Berdovski. « Pas si longtemps. Pff. Il y a à peine 2 ans que je l'ai prise au haras. Et vous l'a-t-on donnée toute prête, votre excellence, ou bien est-ce ici qu'on l'adresse ?» Et le général disparut dans un nuage de fumée. Un soldat sauta de l'écurie, un bruit de fer fit résonner le pavé, puis vint un autre soldat avec une veste blanche et des moustaches noires énormes. Il menait au bridon la jument effarée, nerveuse, qui d'un violent coup de tête faillit enlever de terre et le soldat et sa paire de moustaches avec. « Allons doucement, Agrafen Ivanovna, » faisait l'homme en l'amusant au perron. Agrafen Ivanovna, c'était le nom de la jument. Forte et fière comme une belle fille du midi, elle gratta bruyamment du sabot les degrés de bois de l'escalier, puis s'arrêta net, immobile. Le général, quittant sa pipe, contemplait Agrafen d'un air de haute satisfaction. Le colonel en personne, descendant du perron, vint caresser les naseaux d'Agrafen. Le major aussi voulut tâter ses jambes. Les autres faisaient claquer leur langue en amateur. Berdovski descendit à son tour et vint se poster à la croupe. Le soldat tenait toujours la bride, roide comme un piquet, les yeux fixes, braqués sur tout le monde, comme s'il voulait leur sauter dessus. « Belle, très belle, » dit Berdovski, « des formes superbes. Voulez-vous permettre qu'on la fasse marcher, votre excellence ?»« Oh, elle a un très bon pas. » Mais c'est cet idiot de vétérinaire, le diable l'emporte. Il lui a fait prendre ses satanées pilules et voilà 2 jours qu'elle ne fait qu'éternuer. Ah, très belle, très belle. Et avez-vous, votre excellence, une voiture digne de la bête? Une voiture? Mais c'est un cheval de selle. Je vois bien. Je voulais seulement savoir, votre excellence, je demandais pour vos autres chevaux si vous aviez une voiture en rapport. Ah, quant à ça, elles ne sont pas fameuses, mes voitures. J'avoue même qu'il y a longtemps que j'ai envie d'une jolie calèche à la mode. J'en écris à mon frère qui est à Pétersbourg pour le moment. Mais va-t-il me l'envoyer? Est-ce qu'on sait? D'après moi, votre excellence, remarqua le colonel, rien ne vaut les calèches de Vienne. Vous avez raison. Pff, pff. Moi, votre excellence, j'en ai une ravissante qui vient en ligne directe de Vienne. Laquelle? Celle qui vous a amené? Oh non, celle-là a déjà un peu roulé. Je m'en sers pour mes déplacements, mais l'autre... « Oh, c'est une merveille, légère comme une plume, et quand vous êtes dedans, c'est tout à fait, sauf votre respect, votre excellence, comme un bébé qui est versé par sa bonne. Alors elle est douce, tout ce qu'il y a de plus doux, les coussins, les ressorts, c'est achevé comme dans un tableau, parfaitement. Et de la place dedans, c'est-à-dire, votre excellence, que je n'ai rien vu de pareil. Quand j'étais au service, je faisais tenir dans la caisse près de 10 bouteilles de rhum et 20 livres de tabac. J'avais encore mes 6 uniformes, tout mon linge, et par-dessus le marché 2 tuyaux de pipe, tout ce qu'il y a de plus long, votre excellence. Et dans les poches, donc dans les poches, il y a de quoi loger un bœuf. Parfaitement. Je l'ai payé 4 000 roubles, votre excellence. Si elle est comme le prix, elle doit être fameuse. Vous l'avez eu de première main? Non, votre excellence, je l'ai eu d'occasion. C'est un ami à moi qui l'avait acheté. Un homme rare, celui-là. Un camarade d'enfance qui vous aurait plu tout de suite, j'en suis sûr. Le tien, le mien, nous ne connaissions pas ça, nous deux, tous en commun. Je la lui ai gagnée aux cartes. Voulez-vous, votre excellence, me faire l'honneur de venir demain sans façon dîner à la maison? Je vous la ferai boire. Ma foi, je ne sais trop quoi vous répondre. Moi, tout seul, ce sera peut-être. Me permettez-vous d'amener messieurs les officiers? Eh, messieurs les officiers, je vous en supplie. Messieurs, ce sera un grand honneur, un grand plaisir pour moi de vous voir en ma maison. » Le colonel, le major et le reste des officiers répondirent par un gracieux salut en signe d'adhésion. « Je suis tout à fait de votre avis, votre excellence. Quand on achète quelque chose, il faut que ce soit bon. Autrement, ça ne mène à rien. Tenez, chez moi, quand vous me ferez l'honneur de venir demain, je vous ferai boire certaines petites machines de ma façon, que j'ai fait installer sur mes terres. Je ne vous dis que ça. » Le général le regardait, continuant à lâcher ses bouffées de tabac. Berdovski était ravi d'avoir chez lui messieurs les officiers. Il combinait d'avance dans sa tête son menu de salmi et de pâté pour le lendemain. Il toisait d'un air jovial messieurs les officiers qui, de leur côté, semblaient redoubler d'amabilité ce qui se voyait à leurs yeux et à de légers frémissements d'épaules qui avaient l'air de petits saluts. Lui marchait en tête, d'une allure dégagée, et sa voix avait pris de molles intonations, comme les échos d'une âme accablée de son bonheur. « Oui, oui, votre excellence, vous verrez ce que c'est qu'une organisation rurale. »« Enchanté !» disait le général en caressant sa moustache. Berdovski aurait voulu, après cela, retourner de suite à la campagne pour y procéder à loisir aux apprêts de la réception et du dîner du lendemain. Il avait déjà son chapeau à la main, mais je ne sais ce qui fit qu'il s'attarda quelques instants. Dans l'intervalle, on avait dressé les tables de jeu. Bientôt la société se divisa, les uns pour s'installer aux tables de whist, les autres pour aller former des groupes dans tous les coins de l'appartement du général. On apporta les lumières. Berdovski fut longtemps à se demander s'il se mettrait décidément au whist. Mais comme messieurs les officiers l'empressaient, il lui parut qu'un refus de sa part pourrait blesser les bienséances. Il prit place au jeu. Comme par hasard, un verre de punch se trouva devant lui. Il le vida machinalement. Il joua deux robbers et retrouva un autre verre de punch à sa portée, l'avala de même sans la moindre attention, tout en répétant « Il est temps de partir, messieurs, il faut que je rentre. » Mais il se rassit pour une autre partie. Cependant, aux différents coins de la pièce, les conversations s'étaient engagées et il se formait des apartés. Les joueurs de whist opéraient en silence, ceux qui ne jouaient pas, étendus sur des divans dont le fond allait leur train dans des discours sans fin. Dans un coin, le capitaine en second, le coude enfoncé dans un coussin, sa pipe à la bouche, narrait avec abondance et dans d'acélestes détails ses bonnes fortunes amoureuses, ce qui faisait le bonheur de son auditoire. Un gentilhomme monstrueux, dont les petites mains charnues figuraient bien deux pommes de terre nouvelles, savourait ses histoires d'un air épanoui et ne bougeait que pour atteindre sa tabatière, faisant alors des efforts inouïs pour glisser ses petits bras trop lourds derrière son énorme dos. Dans un autre groupe, s'était élevée une discussion très vive à propos de l'école d'escadron. Berdovski, qui à deux reprises différentes avait déjà jeté des valets pour des dames, voulut se mêler à la conversation et il criait par moments de sa place « En quelle année? Quel régiment ?» sans se douter le moins du monde que ces questions tombaient toujours à faux. Enfin, un peu avant le souper, Louis s'arrêta, il se prolongea très longtemps encore en commentaire. Il nous dit que tous ces gens avaient la tête bourrée de leurs cartes. Berdovski se rappelait fort bien qu'il avait beaucoup gagné, quoiqu'il se trouvât les mains complètement vides, et comme il s'était levé de table, il resta longtemps debout dans la pose d'un homme qui a envie de se moucher, mais qui n'a pas de mouchoir dans sa poche. Là-dessus, on servit le souper. Il va sans dire que les vins étaient parfaits et que notre homme fut obligé, presque malgré lui, de remplir constamment son verre, car à sa droite et à sa gauche, il n'y avait rien que des bouteilles. À table, la conversation n'en finissait pas, bien que menée d'une façon singulière. Un colonel qui avait fait la campagne de 1812 s'était lancé dans la description d'une bataille terrible qui n'avait jamais eu lieu. Après quoi, on n'a jamais compris, il saisit le bouchon d'une carafe et le planta dans le gâteau de sa voix. Bref, il était près de 3 heures quand les voitures se mirent en mouvement et les cochers furent obligés d'y porter certains convives à bras-le-corps, comme les gros paquets d'achats qu'on sort des magasins. Quant à Berdovski, sans le moindre souci de sa haute aristocratie, il se livra, une fois dans sa calèche, à des balancements et à des mouvements de tête si profonds que lorsqu'il arriva chez lui, il avait la moustache ornée de petits chardons. Tout dormait dans la maison. Le cocher eut toutes les peines du monde à déterrer le valet de chambre. Celui-ci fit traverser le salon à son maître. Il remit aux mains d'une jeune bonne qui le guida tant bien que mal jusqu'à sa chambre à coucher. Berdovski s'étala sur le lit à côté de sa jeune et gentille femme qui, dans une pose pleine de grâce, reposait blanche comme la neige en ses longs vêtements de nuit. Le mouvement que fit son mari en s'abattant sur le lit la réveilla en sursaut. Elle s'étira les bras, entr'ouvrit les paupières en clignant 2 ou 3 fois les yeux et les ouvrit tout grands en souriant mais d'un petit air boudeur. Enfin, voyant qu'on semblait peu disposé cette fois à répondre à de tendres caresses, elle tourna le dos avec humeur, posa sur sa main sa petite joue fraîche et ne tarda pas à s'endormir à son tour. Il était 1 heure de la matinée qu'on ne nomme plus le bon matin à la campagne, quand la jeune châtelaine s'éveilla près de son époux qui ronflait. Se rappelant qu'il était près de 4 heures quand il était rentré la nuit, il lui parut dur de le réveiller. Elle chaussa de jolies petites pantoufles qu'il avait fait venir pour elle de Pétersbourg, revêtit un peignoir blanc dont les plis ondoyants l'enveloppaient tout entière, gagna sa chambre de toilette, se plongea dans une eau moins fraîche que son frais visage et s'approcha de sa psyché. Un coup d'œil lui suffit pour s'assurer qu'elle n'était pas trop laide ce jour-là, et il faut croire que cette découverte, légère en apparence, la retint 2 bonnes heures de trop devant son miroir. Elle finit cependant par achever une charmante toilette et descendit au jardin y respirer l'air frais. Il faisait précisément une de ces belles journées dont les étés du midi semblent avoir le privilège. Le soleil à son zénith brûlait de tous ses feux. Mais on goûtait une fraîcheur délicieuse sous les sombres allées couvertes, et les fleurs, stimulées par l'ardeur des rayons, exhalaient leurs parfums les plus pénétrants. L'aimable ménagère avait complètement oublié qu'il était plus de midi et que son cher époux dormait toujours. Elle entendait bien du jardin les ronflements sonores des 2 cochers, du palefrenier, en train de faire leur sieste dans l'écurie, tout près de là. Mais elle restait toujours assise sous les frais ombrages de l'avenue, d'où la vue s'étendait sur la grande route, laissant errer des regards rêveurs sur cette longue ligne solitaire et déserte. Son attention fut attirée tout à coup par un nuage de poussière qui venait de s'élever dans le lointain. Elle y fixa les yeux et distingua comme une file de voiture. En tête, une légère calèche découverte à 2 places. C'était le général, ses grosses épaulettes reluisant au soleil, et le colonel à côté. À la suite, une autre calèche, celle-ci à 4 places, un major, l'aide de camp du général et 2 officiers sur le devant. Après eux, venait le fameux drojki, bien connu du régiment, propriété pour l'heure du corpulent major. Après le drojki, une berline à 4 places avec 4 officiers et même un 5e sur les genoux. Derrière la berline, enfin, se dessinait sur le ciel 3 officiers encore, caracolant sur d'élégants baies bruns. Dieu me pardonne, mais c'est chez nous qu'on vient, pensa la maîtresse de maison. Ah, mon Dieu, c'est bien ça, les voilà qui tournent le pont. Elle poussa un cri en se frappant les mains, s'enfuit à travers le parterre, les plates-bandes, et courut droit à la chambre du mari. Il dormait comme un pieu. « Vite, vite, vite, lève-toi » s'écria-t-elle en le tirant par le bras. « Hein ?» marmottait Berdovski, mais sans ouvrir les yeux. « Lève-toi, mon bijou, entends-tu ? Voilà du monde qui arrive !»« Du monde ? Quel monde ?» Et il poussait de petits mugissements, comme font les jeunes veaux quand ils cherchent de leurs mufles les rondeurs du pis maternel. « Mou, maman !» murmura-t-il. Ne tape une tête que je t'embrasse. Mon chéri, au nom du ciel, lève-toi, bite, le général, les officiers. Ah, mon Dieu, tu as des chardons plein la barbe. Le général, comment? Il arrive déjà? Mais que diable, pourquoi ne m'a-t-on pas éveillé ce matin? Et le dîner, où en est le dîner? Tout est-il prêt? Y a-t-il ce qu'il faut? Quel dîner? Comment je n'ai pas commandé à dîner? Toi, mais tu es rentré cette nuit à 4 heures. J'ai eu beau te parler, je n'ai pas pu tirer un mot de toi. Je n'ai pas voulu te réveiller, mon trésor. Tu me faisais de la peine. Tu as si peu dormi. Et elle disait tout cela d'une petite voix si émue, si tendre. Berdovski, les yeux écarquillés, resta un moment sur le dos, anéanti, comme frappé de la foudre. Puis, il sauta brusquement en bas de son lit et en chemise, oubliant tout à fait que c'est manqué de décence. Ah, quel âne ! Dit-il en se frappant le front. Je les avais invités à dîner. « Que faire à présent? Sont-ils encore loin ?»« Je ne sais pas, mais ils vont être ici dans la minute. »« Cher ami, cache-toi. »« Hé, qui va là? C'est toi, la fille? Voyons. »« Qu'est-ce qui te fait peur, sotte ?»« Écoute, il va venir des officiers tout de suite, à l'instant. »« Tu leur diras ?»« Le maître est sorti. »« Dis-leur. » »« Et il ne rentrera pas de la journée. »« Il est parti en voyage dès le matin. »« Tu entends ?»« Va, dis-le à tout le monde dans la cour. »« Allons, va-t'en, file, vite. » À ces mots, il empoigna sa robe de chambre et courut droit se cacher dans la remise, convaincu que là il défierait toutes les recherches. Il se blottit dans un coin, mais voyant qu'on pouvait encore l'apercevoir dans le fond, « Ah, voilà, ça vaut mieux !» Une idée venait de lui passer par la tête. Il abaissa rapidement le marchepied d'une voiture, sauta dedans, ferma la portière sur lui, pour plus de sûreté se couvra du tablier de cuir, se roula dans sa robe de chambre et fit le mort. Les voitures cependant s'étaient arrêtées au perron. Le général descendit le premier en secouant sa poussière. Après lui, le colonel qui redressait le plumet de sa coiffure. De son drojki sauta le vaste major tenant son sabre sous son aisselle. Les petits sous-lieutenants dégringolèrent de la berline et avec eux le porte-enseigne qu'ils avaient sur les genoux. Enfin, les officiers qu'on avait vus à cheval, se dessinant sur l'azur, sautèrent à bas de leur selle et mirent pied à terre. Un laquais apparut au perron. « Le maître n'est pas à la maison, » dit-il en s'avançant. « Comment pas à la maison, mais il sera rentré pour le dîner, je suppose. »« Je ne crois pas. Il est parti pour toute la journée. Peut-être demain, à cette heure-ci, mais pas avant. » « Eh bien, en voilà du propre, » dit le général. « Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ?»« Il faut avouer que c'est une bonne farce, » dit le colonel en se mettant à rire. « Ah, mais non, ça ne se fait pas !» continua le général de fort mauvaise humeur. « Que diable, quand on ne peut pas recevoir, sacrebleu, eh bien, on n'invite pas !»« Moi, votre excellence, je ne comprends pas qu'on agisse de la sorte, » dit un jeune officier. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» dit le général qui se servait toujours de ses particules interrogatives quand il parlait à des officiers subalternes. « Je disais, votre excellence, qu'il n'est pas permis de se conduire de la sorte. »« Naturellement. Mais un accident... »« Quoi ? En tout cas, on le fait savoir au moins. Ou alors, eh bien, on n'invite pas. »« Ma foi, votre excellence, il n'y a rien à faire. Allons-nous-en, » dit le colonel. « C'est évident. Il ne nous reste plus que ça. »« Mais, dites donc, et sa calèche ?» Il n'y a pas besoin de lui pour l'avoir. Il ne sera pas parti dedans, je suppose. Hé, quelqu'un, arrive un peu, toi, là-bas. Qu'y a-t-il pour votre service ? C'est toi le cocher ? C'est moi, votre excellence. Montre-nous donc la calèche neuve que ton maître vient d'acheter. Elle est là. Voulez-vous venir dans la remise ? Le général se dirigea vers la remise avec ses officiers. La voilà. Je vais la sortir un peu. Il fait si sombre là-dedans. Assez, assez, c'est bien. Le général et sa suite firent le tour de l'équipage, examinant les ressorts, les roues, en connaisseur. « Bien quoi, elle n'a rien d'extraordinaire, cette calèche. C'est une calèche comme une autre. »« Tout à fait ordinaire, » dit le colonel. « Elle n'a absolument rien de bien. »« Il me semble, votre excellence, qu'elle est loin de valoir 4000 roubles, » hasarda un pauvre officier. « Quoi, qu'est-ce que c'est ?»« Je disais, votre excellence, qu'elle ne vaut peut-être pas 4000 roubles. » « Comment, 4000, elle n'en vaut pas deux? Ce n'est rien du tout, tiens. Tiens, mais voyez donc un peu l'intérieur. C'est peut-être mieux. Dis donc, mon brave, décroche un peu ce tablier, veux-tu ?» Et aux yeux des officiers apparut l'infortuné Berdovski, avec sa robe de chambre, tortillée sur lui-même et dans une posture tout à fait singulière. « Ah, vous êtes là, vous !» s'écria le général, suffoqué. D'un geste violent, il ferma la portière, lui ramena le cuir sur le nez et partit au grand trot avec messieurs les officiers. Ainsi s'achève la calèche par Nicolas Gogol.